twink them. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-François Lusignan. Vous écoutez l'émission Le Terminus jusqu'à 20h. Le Terminus, c'est une émission qui est consacrée au rock indépendant, l'indie rock, un peu de rock alternatif à l'occasion, shoegaze, etc. Ce soir, j'aurai pour vous, dans la prochaine heure, des nouveautés des Eagles, de Love Junkies, également Fear of Men. Il y aura également des trucs un peu issus des années 90 du rock alternatif, Fountains of Wayne, L7 également. La liste complète sera disponible à la fin sur le CISM 893.ca. Vous pouvez également écouter l'émission directe sur ce site-là de CISM. On va commencer avec un groupe qui sortait cette semaine, non, en février, un split, donc un album partagé avec la formation Piety, formation qui s'appelle The Sweets. Donc, c'est deux groupes de la Caroline du Nord, un album qui s'appelle Regis Philbin Zing Zang. Album paru sur le label Bleeding Gold Records. On écoute la chanson qui ouvre, non, qui est sur l'album, qui s'appelle Me and My Dog, une petite chanson surf pop intéressante, entraînante, de la formation de Sweets. On écoute ça à l'instant. Ça sera suivi de la formation Pale Hound. Judge really don't mind. Do let her judge me. Don't get that out of the bunch. She prefers to walk in the night time. Sticks her head out the window when I drive. Has a weird way of saying, let's go home. Me and my dog, we get around town. How could I say that I'm sorry? You got a problem, we'll come around. I'm sure we can figure something out. At my feet, I'm dying to share with you. So discreet when you walk, but I hear you. You're at my door now. Well, I can hear you breathing. Picked you up so small and so skinny. Fed you and I loved you. Got a new name, got a new look too. Me and my dog, we get around town. How could I say that I'm sorry? Oh, don't be shy, I know she won't bite. Not on the weekends. Me and my dog, we get around town. Dog, we get around town. She loves me. I think I love her too. She needs me. Well, we both know that's true. Me and my Is this ship gonna sink? Well, I don't know, it's getting deep. Is this ship gonna sink? I don't know, it's getting deep. Is this ship gonna sink? I don't know, it's getting deep. Is this ship gonna sink? I don't know, it's getting One Right World de Lushes. Pas World, Word. One White Right World de Lushes, une formation de Art Rock de Brooklyn. Leur premier album What I'm Doing sortait mardi dernier. Et Lushes seront au festival South by Southwest qui commence cette semaine. Super festival dans Arizona, si je ne me trompe pas, où les groupes font ce qu'on appelle des showcases, donc ils jouent plusieurs spectacles pendant la même semaine devant différents représentants des médias ou de différents labels ou des programmateurs également de festivals. Donc il y a des groupes qui y passent la semaine. Il y a également deux animateurs de CSM qui seront un animateur de l'émission Les Turbo Tannant, Nicolas, également animateur de On prend toujours un micro, Riff, qui sera là. Et ils devraient avoir des reportages dans leurs émissions également aussi sur le site de CISM. Surveillez ça cette semaine, je crois que ça commence mercredi. Juste avant, Lushes, c'était la formation Pale Hound avec Pay No Mind, qui se retrouve sur un 7 pouces qu'ils viennent de faire apparaître sur le super label de Brooklyn également, Exploding In Sound Recordings. Et bien, on continue avec maintenant quelque chose en français. Ça sera quelque chose qui date de 2009, c'est Galaxy, groupe d'où on n'a pas grand nouvelle depuis la fin de la tournée de l'album Tigre Diesel à l'automne 2012. Donc, on sait pas trop ce qui se passe. On espère que du nouveau matériel qui s'en vient. Quoique Olivier Langevin a également travaillé sur Gros Méné depuis ce temps-là. Alors, peut-être qu'il y aura un autre album de Gros Méné ou de Galaxy. On sait pas trop. D'ici là, on écoute la chanson La fièvre de Galaxy. Et ça sera suivi de nouveautés de Eagles. Tout ça sur les ondes de CISM, le 89.3. Veg. Veg. Veg. Thank you. Baby Ghost, Married Alive, chanson qui se retrouve sur un 7 pouces sorti l'automne passé qui s'appelle Ghost in a Vacuum. Et je voyais que le groupe vient de faire paraître une nouvelle chanson ces jours-ci sur une compilation qui s'appelle Riffs for Randall, qui est en fait dont l'objectif est de ramasser des fonds pour un nouveau lieu Do It Yourself à Salt Lake City. Donc je ne sais pas trop si c'est difficile de se produire à Salt Lake City ou d'avoir des lieux de diffusion ou de production de musique, mais en fait, il semblerait qu'il va en avoir un nouveau bientôt là-bas. Et on a entendu juste avant Baby Ghost, c'était Eagles avec Yellow Eyes de leur premier album Eagles qui vient de sortir. Et on a attendu quand même un petit bout de temps avant d'attendre ce fameux premier album-là parce qu'ils avaient sorti au courant des dernières années plusieurs mini-albums, je pense deux EP, dont un en 2012. Je regardais ça, on en tournait déjà en 2012 ici à l'émission. Et ils étaient en janvier de cette année à David Letterman même pour jouer une des chansons du nouvel album. Donc ça semble décoller quand même pour eux. Donc c'est une très bonne chose parce que c'est un très bon groupe également. Et on va continuer maintenant avec un segment, deux chansons assez grunge, vous allez voir, deux groupes même australiens. Et vous allez entendre la formation Little Horn des gens de Sydney. Mais on va commencer avec The Love Junkies qui font du grunge, mais assez accrocheur, vous allez voir. Ils sortent un mini-album le 4 avril, dont on entend une des chansons qui s'appelle Chemical Motivation de Love Junkies à l'émission Le Terminus. Little Horn avec Soothsayer qui se retrouve sur un album qui s'appelle Soothsayer également, sorti en début d'année, disponible sur le littlehornmusic.bandcamp.com. Allez voir ça si vous aimez des groupes comme ce que vous venez d'entendre et du solide, hein, ça semble un petit peu. On va enchaîner maintenant avec de la musique tout droit sortie des années 90. Attention, vous allez entendre dans les prochaines minutes du L7, un groupe américain qui a existé entre 1987 et 2001. Ils ont été surtout associés pendant leur carrière là, au mouvement grunge du début des années 90. De l'album Beauty Process qui était paru, lui, en 97, un peu plus tard. Ça sera la chanson qui est appropriée, on pourrait dire, pour cette période d'élection. La chanson qui s'appelle The Masses Are Hasses de L7. Mais pour tout de suite, on va débuter avec Fountains of Wayne, qui ont connu ben, leur plus grand succès, c'est la chanson Stacy's Mom, mais c'est pas ça qu'on va entendre, mais quand même du même album, qui sort en 96, ça sera la chanson Radiation Vibe de Fountains of Wayne. On écoute ça à l'instant sur le 89.3. C'est l'émission Le Terminus qui se poursuit jusqu'à 20h. We'll be right back. les Psycho Riders avec Pourquoi payer, de l'album Le Gouffre aux Chimères qui sortait en 2007. Et malheureusement, les Psycho Riders, ça n'existe plus. Mais le cœur quand même du groupe continue à faire de la musique sous le nom de Mardi Noir. Donc, je crois que Mardi Noir, ouais, c'est ça, il sortait un album l'année dernière, début d'année dernière. Donc, il faut se tourner de ce côté-là pour avoir des nouvelles des membres du groupe. Et on avait entendu auparavant L7 avec The Masses Are Hasses. Et on avait débuté le segment avec Fountains of Wayne et Radiation Vibe, une chanson souvenir de 1996. On continue avec maintenant du Arthur Buis, formation de Beauce, oui, avec le mini-album de trois chansons qui sont sorties l'automne dernier qui s'appelle Monotone. On va entendre la chanson titre à l'instant sur les ondes de CISM, l'émission Le Terminus. Thank you. Drawing Girl de Kestrels, formation canadienne, qui nous ont visité la dernière fois l'année dernière. Spectacle à la Casa de Popolo, j'étais présent. Il y avait malheureusement seulement 10 personnes, donc c'est quasiment criminel d'avoir un si bon groupe et peu de spectateurs. Enfin, vous allez pouvoir vous rattraper lors de la prochaine visite. Avant ça, c'était Arthur Buis et Monotone. Restez à l'écoute dans quelques instants. Ça va être Roman de Loin avec sa super émission Nous sommes les rockers. Il y a également la liste des chansons qui a tourné ce soir qui sera disponible, elle, dans quelques instants aussi sur le CISM893.ca. Je vous invite également à visiter les archives de l'émission sur leterminus.ca. On va se quitter avec un groupe anglais qui sortait vendredi dernier un flexi-disque, oui, sur lequel figurent deux chansons, dont une qu'on va entendre, elle s'appelle la chanson Luna, et le groupe, lui, Fear of Man. Je m'appelle Jean-François Lusignan, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle lundi prochain, 19h, pour une autre émission, une autre édition. C'est le choix du Terminus. Bye! Pour prédire qui sera à Oceaga 2014? Qui? Moi? Trouve les indices cachés et gagne ton accès à Oceaga. Résous le casse-tête à Oceaga.com en collaboration avec Molson Canadian. Tic-tac, faites vite. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 8e édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 16 avril, tous les mardis et mercredis, au Club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les Silidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez silidors.com. Bombay Bicycle Club, le 4 mai au Théâtre Corona Virgin Mobile avec invité spécial Royal Canoe. Bien en vente maintenant via evenco.ca. Bombay Bicycle Club, le 4 mai au Théâtre Corona Virgin Mobile. Nouvel album So Long, See You Tomorrow, disponible maintenant. Et le jeune et le moins jeune, tu es au courant qu'il existe un nouvel antidépresseur sans frais? Oh, que tu en as besoin, mais tu te demandes, quel est-il? C'est facile pourtant, car il t'est offert gratuitement tous les vendredis matins de 7h à 9h. Ouh, que c'est la magie de MCG! Yes! Du plaisir, de la joie et surtout de la bonne musique du terroir d'ici et d'ailleurs. Prescription et rendez-vous, vendredi 7h. En tout cas, moi et Binormal Amour, on va être là. Soyez-y! pour oublier le passé et le futur. Allonge-toi dans la fourrure. Écoute Dextropropogi Finsmack. Le dimanche à 22h sur CISM 89.3. Tiens, tu saignes encore un peu de l'oreille. Ici Julien Boumar-Coallier, votre animateur à De fil en vinyle, l'émission Blues Rock qui se permet d'aller voir ailleurs. Petite fringale musicale, assurez-vous d'être au rendez-vous tous les dimanches de 16h30 à 18h sur CSM 89,3. Tu peux rester, pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Tous les jeudis dès 19h, c'est la session live dans les studios de CISM. Le jeudi 13 mars, la session live reçoit les Marinelli. Préparez-vous à une heure de musique en direct, d'entrevues, de choix musicaux et de découvertes en compagnie des artistes les plus intéressants du moment. Soyez au rendez-vous dès 19h sur les ondes du 89,3 FM, La Marge. La session live à CISM, une présentation de Solotech. Molson Canadian présente Heavy Montréal, le 9 et 10 août au Parc Jean-Drapeau, avec Metal